Chapitre 11e, l'étincelle électrique. Mademoiselle Rose, la femme de chambre de Carmela, avait 20 ans et elle était normande. Paris est le refuge ordinaire de la plupart des pauvres filles qui ont aimé sans la permission de monsieur le maire, et Rose avait quitté sa bourgade pour venir chercher l'oubli de ses peines de cœur dans le tourbillon parisien. L'oubli s'était présenté bientôt sous les traits d'un garçon coiffeur, et l'inconsolable Rose s'était consolée presque instantanément auprès du sémillant colibri. Elle en était à sa troisième maison depuis son arrivée à Paris, au moment où nous la trouvons en service chez madame de Sanlouco, et sauf la Peccadille qui la faisait l'esclave de Maresco et dans laquelle elle n'avait été que complice inconsciente, elle était d'une probité immaculée. Le capitaine lui avait intimé l'ordre de décider Carmela à se rendre au café-concert où brillait Hector, et ce n'était pas chose facile que de persuader à une femme des plus élégantes du quartier des Champs-Élysées de se fourvoyer dans un pareil milieu. Mais Rose était une fine mouche qui comprenait que le plus court chemin pour arriver à son but était la ligne courbe, et ce fut par un détour qu'elle procéda. Le lendemain de sa visite au capitaine, elle glissa à diverses reprises le nom d'Hector dans la conversation, tout en aidant la créole à s'habiller. Celle-ci, impatientée, finit par lui demander ce qu'était cet Hector, et Rose lui apprit que c'était un jeune ténor qui attirait la foule dans un café-concert des Champs-Élysées. « Passez-moi ma poudre de riz, » dit Carmela d'un ton distrait, tout en se regardant dans sa glace. Rose apporta la poudre demandée, puis elle ajouta sans se laisser décourager, « Ce n'est pas tout, madame. Il est beau comme un Adonis, et distingué. Aussi, toutes les femmes tombent amoureuses de lui, et chaque soir il reçoit des monceaux de pattes de mouche dans les bouquets qu'on lui jette. Mais qu'est-ce que cela me fait à moi ? » interrompit la créole, poussée à bout. La femme de chambre feignit de n'avoir pas entendu. « Eh bien, madame, continua-t-elle, on assure qu'il brûle tous ses billets sans les lire. C'est un impertinent, » fit madame de Sanlouco, tout en fermant sa boîte de poudre de riz. « Et savez-vous pourquoi il les brûle sans les lire ? » reprit l'obstinée Rose. « C'est parce qu'il est amoureux. Mais de qui ? Voilà le mystère. » En ce moment, 10 heures sonnèrent, et Rose, qui n'avait pas oublié les instructions de M. Mélinet, allait ouvrir les fenêtres qui donnaient sur l'avenue Gabriel. « Que faites-vous ? » dit la créole. « Madame est toute rouge, elle a le sang à la tête et... » Elle s'arrêta tout à coup et poussa un cri de surprise qui n'était pas simulé. « Qu'avez-vous ? » continua sa maîtresse. « Tenez, madame, regardez de ce côté, » dit Rose. « Le voici qui va passer sous vos croisées. » Carmela, un peu par curiosité et beaucoup pour se débarrasser des importunités de sa femme de chambre, avança la tête près de la fenêtre et regarda. Un élégant cavalier, en négligé du matin, montait sur un cheval de prix, longeait l'avenue. Lorsqu'il fut arrivé à peu de distance de l'hôtel, il leva les yeux sur madame de Sanlouco, et il les baissa presque aussitôt, comme s'il eût été ébloui par son apparition inattendue et une vive rougeur colora son visage. Aucun de ces détails n'avait échappé à la créole. « Ce monsieur Hector, » dit-elle à Rose, lorsque le jeune ténor se fut éloigné, « est en effet un fort beau garçon. Il a la tournure d'un prince. » « Ah, si madame l'entendait chanter, » insinua perfidement la camériste, « madame ne s'étonnerait pas de l'engouement dont il est l'objet. Moi, aller dans un café-concert ? Pourquoi non ? Il y a bien des comtesses et même des marquises qui vont. Mais avez-vous remarqué, madame, avec quelle expression il vous a regardé ? Ah, bon Dieu ! Quoi donc ? Fit Carmela. À son tour, elle s'arrêta et poussa un petit cri étouffé. Hector, parvenu à moitié chemin de l'avenue Gabriel, était revenu sur ses pas et il passait de nouveau en ce moment sous les croisées de madame de Sanlouco. Comme la première fois, il leva les yeux et les tint fixés sur elle pendant quelques secondes, puis il s'éloigna lentement et avec tous les signes d'une violente émotion. « Eh bien, madame, croyez-vous encore que je me sois trompé ? » dit Rose. Le pauvre garçon, c'est clair, se meurt d'amour pour vous. » La créole ne répondit pas. Elle, pour qui l'amour, jusqu'à cet instant, avait-elle été morte, elle se sentait subitement envahie par un trouble inconnu, et elle posa la main sur son cœur, comme pour comprimer les battements. « Vais-je donc aimer ce jeune homme ? » se demandait-elle. Le soir du même jour, Carmela, au bras de l'un des habitués de son salon, allait prendre place sur un fauteuil du second rang du café-concert où trônait le bel Hector. Les chansons burlesques, qui faisaient pâmer d'aise les nombreux auditeurs qui l'entouraient, lui arrachèrent à peine un sourire. À la fin de chaque morceau, un cadre noir mobile indiquait le nom de l'artiste qu'on allait entendre. Le tour d'Hector arriva enfin. Madame de Salnouco, en le voyant paraître sur la scène, ne put se défendre d'un léger tressaillement. Dans la foule, il y eut un de ces frissonnements qui accompagnent l'entrée d'un artiste aimé, puis de frénétiques applaudissements éclatèrent de toutes parts. Parmi les plus enragés applaudisseurs figuraient en première ligne les compagnons de l'Arche de Noé. Jamais pareil vacarme n'avait troublé les échos d'alentour. Hector était demeuré impassible sur les bravos qui avaient salué son entrée. Il les avait reçus comme un souverain reçoit les hommages qui lui sont dus. Son regard embrassa toute la salle, rencontra celui de la créole, et il y eut entre eux un échange magnétique comme un choc d'électricité. Le jeune ténor, conformément aux instructions de M. Mélinet, avait ce soir-là modifié son répertoire habituel. Au lieu de chanter des chansons grivoises, il choisit une romance sentimentale en parfaite concordance avec son rôle d'amant mystérieux. C'était une sorte de déclaration voilée qui commençait ainsi. « Quand je vous aperçus, j'étais seul au monde. Pas un cœur ne battait à l'unisson du mien, etc. » La voix mélodieuse d'Hector allait à l'âme, et ses regards avaient les caresses de l'amour qui implore la femme adorée. Cet aveu jeté devant 3000 auditeurs, mais compris de Carmela toute seule, lui causa une âcre sensation de plaisir et d'orgueil. Quelle que soit l'insensibilité du cœur d'une femme, il arrive presque toujours une heure où cette insensibilité s'amollit, où la grande voix de l'amour se fait entendre. Cette heure avait sonné pour Carmela. Un frisson inconnu parcourut tout son corps et pour dissimuler son émotion, elle baissa son double voile. Le succès d'Hector fut immense. Jamais l'admiration du public ne s'était traduite par des applaudissements plus énergiques et plus prolongés. Lorsqu'il eut fini de chanter, il salua ses enthousiastes auditeurs, mais de façon à ce que son salut s'adressât particulièrement à la créole. On le rappela et l'on demanda à grand cri que l'air fût bissé, mais il refusa de reparaître sur la scène de son triomphe. Carmela fut touchée de ce refus, qui semblait dire « C'est pour vous que j'ai chanté, que m'importe cette foule qui m'accable de ses bravos ». La nuit qui suivit cette soirée fut sans sommeil pour Madame de Sanlouco. Malgré elle, elle pensa à ce beau jeune homme dont la voix l'avait émue. Plus elle voulait éloigner son image, plus elle s'imposait à sa pensée. Elle avait beau se dire « C'est absurde ». L'impression produite était ineffaçable. Le lendemain matin, en se regardant dans sa glace, elle se trouva pâle. L'insomnie avait laissé sous ses paupières comme une ombre bleuâtre. Vers 11 heures du matin, elle passa dans son boudoir. Bientôt, le pas cadencé d'un cheval se fit entendre. Involontairement, elle ouvrit la fenêtre et regarda au dehors. Elle aperçut Hector à cheval comme la veille. Comme la veille, il leva les yeux vers elle, mais au lieu de continuer son chemin, il s'arrêta sous ses croisées et la salua courtoisement. Carmela, la tête perdue et sans savoir ce qu'elle faisait, lui rendit son salut. « Le feu est au poudre, » se dit Rose, à qui rien n'échappait. Les jours suivants, la créole retourna au café-concert, accompagnée de sa camériste, qui faisait semblant de ne pas remarquer l'émotion de sa maîtresse, aussitôt que le bel Hector entrait en scène, et chaque matin, elle envoyait à Mélinet un bulletin de la soirée précédente. Tous les romans d'amour dans un certain monde commencent de la même manière et ont le même dénouement. Aux soupirs et aux œillades succèdent les billets doux qui aboutissent à un rendez-vous timidement proposé et accepté après 2 ou 3 refus commandés par l'usage. Le lendemain du jour où Hector avait dîné pour la seconde fois avec Carmela à Saint-Germain, au pavillon Henri IV, Maresco Mélinet, qui avait mandé le jeune ténor rue de l'Abreuvoir, lui tenait le langage suivant. « Mon fils, tu as manœuvré habilement ta barque. Carmela est chauffée à blanc. Profites-en pour empocher le plus vite possible le joli petit million de Taouri. Les femmes sont changeantes, et ta créole surtout, ne l'oublie pas. « Soyez tranquille, capitaine, » répondit Hector. « Je la tiens, et je la tiens bien. » La jambe masculine est faible, petit. Samson s'est laissé autrefois couper les cheveux par Dalila. Ne va pas faire comme lui. Samson n'était qu'un imbécile, mon maître. Il s'est laissé prendre dans les filets de sa belle maîtresse, mais Carmela ne me prendra pas dans les miens. Je vous le jure. et cela pour une bonne raison, c'est que je ne l'aime pas. Mais l'amour peut venir, il ne viendra pas. Qu'en sais-tu? Je suis là de la misère, j'ai un filon d'or à exploiter, et j'irai tout droit mon chemin sans m'attarder aux mièvreries de la passion. Bravo, mon camarade, tu es à la hauteur de la situation, et à partir de ce moment, tu ne dois plus t'appeler Hector, mais le vicomte de Livron. C'est déjà fait, capitaine. Diable, tu n'as pas perdu de temps. M'en blâmez-vous? Par Dieu, non. Quant au premier frais que va nécessiter la transformation, je... Ne vous en préoccupez pas, interrompit Hector. Je sais qui s'en chargera. Il sortit sur ces paroles, dont le sens était d'une clarté aveuglante. Allons, ma cause est en bonne main, pensa Maresco, lorsqu'il fut seul. Ah, Carmela! Femme sans foi, créature perfide, ton jour est proche, et ce jour-là, je compterai une à une les larmes de sang que tu verseras. Et je dirai, ton désespoir, c'est mon ouvrage. Tu m'as lâchement trahi, je me venge. Le drame, on le voit, se corsait. Si Carmela était le châtiment vivant des crimes du bâtard de Clodion, Hector de Livron allait, à son tour, devenir l'instrument expiatoire des crimes de la créole. Le doigt de Dieu, longtemps caché, ne devait pas tarder à apparaître terrible et inflexible.